Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Du gouvernement divin. Explication. Non content d'avoir créé les êtres, Dieu continue son action sur le monde, qu'il gouverne par des lois générales et particulières. Il nous reste donc à traiter du gouvernement divin. Nous le considérerons tout d'abord en général, puis nous en examinerons les effets particuliers relativement à la conservation des créatures et actions propres, soit par ses anges, soit par les corps eux-mêmes, soit par l'homme. Dieu gouverne le monde. C'est à lui que les créatures doivent leur conservation. Il agit sur les êtres, d'abord par lui-même, ensuite par les créatures elles-mêmes. Les anges s'éclairent, se parlent, ils sont distingués en trois hiérarchies. Les mauvais anges ont aussi leurs ordres et leurs chefs. Les anges ont action sur les corps, et même sur les hommes, quelquefois en vertu d'une mission, les bons nous protègent, les mauvais nous attaquent. Les corps ne sont pas sans activité, notamment les corps célestes, le destin n'est autre chose que la providence. L'homme a aussi sa part dans le gouvernement divin, il enseigne, il propage sa nature, l'âme existe par création, le corps est produit par le principe générateur. Question 103. Du gouvernement divin en général. Le monde est gouverné par quelqu'un. Il a pour fin extérieure Dieu même. Unité du gouvernement divin, ses effets. Soumission des créatures. Rien n'arrive en dehors de la providence, rien ne lui résiste. 1. Le monde est-il gouverné par quelqu'un? Indépendamment de l'Écriture sainte, dans laquelle nous lisons, « Ô Père, vous gouvernez toutes choses par votre providence », Sagesse 14:3, on peut prouver par deux raisons principales que quelqu'un gouverne le monde. La première est prise des choses que nous voyons dans l'ordre naturel. Tout y arrive pour le mieux toujours, ou presque toujours. Lorsque nous entrons dans une maison où l'ordre se fait remarquer de toutes parts, nous jugeons de suite que celui qui la dirige est un être sage. La seconde raison se tire de la bonté suprême qui a produit le monde. Il ne convenait pas qu'après avoir créé les êtres, Dieu ne les conduisit point à leur fin, car une cause excellente doit produire des effets excellents, et la dernière perfection de chaque chose consiste à posséder sa fin. Il appartient donc à la bonté divine, qui a créé les êtres, de les mener à leur fin, ce qui n'est autre chose que les gouverner. Note. Comme la flèche, par son mouvement vers un but déterminé, montre qu'un être intelligent l'y a dirigé, de même le cours régulier des choses naturelles et physiques fait voir que le monde est gouverné par une raison supérieure. La nécessité naturelle, qui n'est que l'impulsion divine dirigeant les êtres vers leur fin, démontre le gouvernement de la divine providence. Fin de la note. 2. La fin du gouvernement du monde était l'ordre du monde. Dieu, nous dit l'Écriture, a tout fait pour lui-même. Proverbe 16, 4. Donc la fin du gouvernement du monde est un bien extérieur au monde. La fin particulière d'une chose est un bien particulier, mais la fin universelle de toutes les choses est un bien universel. Or, qu'est-ce que le bien universel, sinon le bien par essence, dont les biens particuliers sont une participation? Comme, dans l'ensemble des créatures, il n'y a aucun bien que par participation, la fin de l'univers est nécessairement un bien en dehors de toutes les créatures. Note. La fin du gouvernement de l'univers est un bien placé en dehors des choses créées. Chaque être tend à le posséder ou à lui être assimilé dans les limites de sa nature propre. Sans doute, l'univers a une fin qui réside en lui-même et à laquelle il tend. Cette fin, c'est l'ordre même qui règne en lui, mais l'ordre n'est pas sa fin dernière, il s'y rapporte seulement, comme l'ordre qui règne dans une armée se rapporte au chef. Fin de la note. 3. Le monde est-il gouverné par un seul être? Nous confessons, dit saint Paul, un seul Dieu et un seul Seigneur. 1 Corinthiens 8, 6. Ce texte suffit pour établir que le monde est gouverné par un seul être. La raison nous démontre aussi la même vérité. La fin du gouvernement du monde n'étant autre que le bien par essence, qui est le plus excellent de tous les biens, il est nécessaire que ce gouvernement soit excellent. Or, le gouvernement le plus parfait est celui d'un seul. Voici ce qui le prouve. Tout gouvernement se résume dans la direction imprimée aux êtres gouvernés vers le bien. Or, quiconque voudra y réfléchir verra que l'unité elle-même appartient au bien. Tous les êtres, en effet, la désirent comme un bien sans lequel ils n'existeraient pas, chacun d'eux n'existant qu'en tant qu'il est un. Aussi voyons-nous que la division répugne à toutes les créatures, et que leur dissolution provient toujours de leur imperfection. Nous pouvons en conclure que celui qui gouverne une multitude doit se proposer l'unité, c'est-à-dire la paix. Mais, pour produire une telle unité, il faut qu'il soit un lui-même. Il est évident que plusieurs chefs ne font régner la paix et la concorde dans un état, où les intérêts sont si divers, qu'autant qu'ils sont eux-mêmes unis d'une certaine manière. Ce qui est un de soi pouvant être une cause plus efficace d'unité que plusieurs individus réunis, il en résulte qu'une multitude est mieux gouvernée par un seul que par plusieurs. Nous sommes ainsi forcés de convenir que le gouvernement du monde, qui est très parfait, ne doit appartenir qu'à un seul être. 4. Le gouvernement du monde, quant aux effets, est-il un ou multiple? Le gouvernement du monde ayant pour fin le bien essentiel et absolu auquel tous les êtres tendent à participer ou à ressembler, ces effets peuvent être entendus de trois manières, d'abord, quant à la fin elle-même, et, sous ce rapport, tous les effets se ramènent à un seul, qui est l'assimilation au souverain bien, ensuite, quant aux moyens qui rendent cette assimilation possible, et, sous cet autre rapport, le gouvernement divin produit deux effets généraux, car une créature peut ressembler à Dieu parce qu'elle est bonne et parce qu'elle est une source de bonté pour les autres. Les effets généraux de ce gouvernement sont, comme on le voit, la conservation des choses dans le bien et l'impulsion des choses vers le bien. On peut, en troisième lieu, considérer les effets du gouvernement divin dans chaque être en particulier, et, sous ce dernier rapport, ils sont innombrables pour nous. 5. Toutes les choses sont-elles soumises au gouvernement divin? Il n'y a pas une créature qui ne soit soumise au gouvernement divin. Dieu, dit saint Augustin, prend soin du ciel et de la terre, de l'homme et de l'ange, du plus chétif insecte, du duvet des oiseaux, de la fleur des champs et de la feuille des arbres. Dieu est le gouverneur des êtres comme il en est le créateur. Or, c'est à celui qui produit un être de lui donner sa perfection en le gouvernant. Comme rien ne peut exister que par Dieu, il n'est rien qui ne soit soumis à son gouvernement. C'est ce qui résulte encore de cette autre vérité que la fin des êtres se trouve dans la bonté divine, et qu'il n'y en a pas un seul qui ne soit ordonné par rapport à elle. Note. Dieu gouverne les êtres suivant la diversité de leur nature, Il gouverne les êtres libres par l'action intérieure qu'il exerce sur eux et par les préceptes qu'il leur donne. Les êtres privés de raison ne sont soumis qu'à l'impulsion qu'ils reçoivent. Notre volonté et notre intelligence ont besoin d'être dirigées et perfectionnées par Dieu même. Fin de la note. 6. Tous les êtres sont-ils immédiatement gouvernés par Dieu? À considérer l'essence même du gouvernement divin, je veux dire la providence, Dieu gouverne immédiatement tous les êtres. Mais, si l'on envisage l'exécution extérieure, il gouverne les créatures les unes par les autres. Dieu étant la bonté par essence, nous devons regarder son gouvernement comme excellent, et lui attribuer ce que nous concevons de plus parfait. Or, qu'y a-t-il de mieux dans les sciences pratiques, au nombre desquelles se trouve celle de gouverner, que de connaître les êtres particuliers qui produisent les actes? Le plus grand médecin n'est-il pas celui qui, non content de posséder les principes généraux de son art, connaît chaque chose en particulier? Nous sommes ainsi fondés à dire que Dieu possède la raison première du gouvernement de tous les êtres en particulier, même des plus petits. Mais, comme la fin de son gouvernement est de conduire les créatures à leur perfection, il convient qu'il les gouverne aussi de telle façon que les unes soient la cause des autres, car il y a certainement plus de perfection dans un être qui est tout à la fois bon en soi et cause de bonté pour d'autres. Dieu a voulu ressembler, sur ce point, à un maître qui rend ses disciples non seulement instruits, mais capables d'instruire. Note. Ajoutons que, dans un état, le nombre et la hiérarchie des ministres rendent la puissance royale plus éclatante, tout en contribuant à la perfection du gouvernement. D'ailleurs, si Dieu gouvernait seul et immédiatement tous les êtres, ceux-ci ne posséderaient pas la perfection à l'état de cause. Fin de la note. 7. Peut-il arriver quelque chose en dehors du gouvernement divin? Mon Seigneur et mon Dieu, Roi Tout-Puissant, disait Mardochée, tout vous est soumis, rien ne résiste à votre volonté. Esther 13, 9. Lorsqu'il s'agit d'une cause particulière, il peut se produire certains effets hors de sa sphère. Il n'en est pas ainsi de la cause universelle, car si quelque chose arrive en dehors d'une cause particulière, c'est l'effet d'une autre cause qui est toujours sous sa dépendance. Lorsque, par exemple, la grossièreté des aliments produit une indigestion malgré leur vertu nutritive, cette cause accidentelle s'explique par une autre, et ainsi de suite jusqu'à la cause première et universelle. Comme Dieu est la cause première et universelle, non d'un seul genre d'être, mais de tous les êtres sans exception, il ne se peut pas qu'une chose arrive en dehors de son gouvernement. Dès que l'une paraît en sortir par quelque côté, à ne considérer qu'une cause particulière, elle y rentre par l'action d'une autre cause. Note. Une chose n'est fortuite que par rapport aux causes particulières. Il n'y a rien de tel pour l'ordre général de la divine providence. Fin de la note. 8. Une chose peut-elle résister à l'ordre du gouvernement divin? Il n'y a rien, dit Boès, qui veuille ou puisse s'opposer à l'ordre du bien suprême, car, selon la parole du sage, Dieu dirige tout avec force et dispose tout avec suavité. Voici deux preuves de cette vérité. Premièrement, l'ordre du gouvernement divin tend uniquement au bien, or, toute chose, dans son opération et dans ses appétits, tend toujours vers un bien quelconque, aucun être n'agissant en vue du mal proprement dit. La seconde preuve, c'est que toute inclination naturelle ou volontaire est, Dans les créatures, une certaine impression du premier moteur, comme la direction de la flèche n'est que l'impulsion donnée par la main de l'archer. Ce qui agit par nature ou par volonté parvient donc, en définitive, comme de son mouvement propre, à un but marqué par la Providence, et c'est en ce sens-là que l'Esprit Saint a dit, Dieu dispose tout avec suavité. Note. Les hommes qui pensent, parlent ou agissent contre Dieu, ne résistent pas à l'ordre total du gouvernement divin, puisque le pécheur lui-même se propose encore un certain bien, mais il résiste à un bien déterminé qui convient à leur nature et à leur état, voilà pourquoi ils sont punis de Dieu avec justice. Fin de la note. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.